des savants bords comme ministre des Affaires étrangères. Ce Kajala qui était au Nelle 7 mois 60. Et tout pas mon aîné, bébé la Kibisa et a petit sa qui a gagné qui est. Ce qui a petit sa qui n'a quitté au Nelle Loyo, tout sous Kanamawa. Qui est ce qui a fait que ça qui n'a quitté.